Que s'est-il passé dans les ambassades américaines et canadiennes à Cuba? Les employés se plaignaient de nausées, de pertes d'audition, de migraines. Les Cubains auraient-ils mis au point une nouvelle arme? Après les spectaculaires incendies de Providence, de Californie ou en Australie, l'ère des méga-incendies est-elle advenue? Ces feux qui ne représentent que 3% des incendies, mais qui détruisent la moitié de la surface ravagée par les flammes. Et enfin, le tuto que vous attendiez tous, comment hacker la blockchain pour miner en toute légalité des centaines de bitcoins à partir de votre simple tablette? On vous dit tout à la fin de l'émission. Attaque à Cuba, méga incendie et blockchain pour les nuls, c'est le programme secret et brûlant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour détailler ce programme, ils sont tout à la fois des agents secrets et les pompiers pyromanes de la vulgarisation scientifique. La fine équipe du vendredi, bonjour Caroline Tourne. Bonjour. Chef du pôle santé, médecine de science et vie, bonjour Sylvain Guilbeault. Bonjour. Du magazine La Recherche et un nouveau venu dans l'équipe, nous sommes ravis d'accueillir Florian Gouthière, bonjour. Bonjour. Auteur du blog curiologie.fr, auteur de Santé, Science, doit-on tout gober, c'est aux éditions Belin. Mais avant cela, celle qui a été un temps suspecte de l'attaque des ambassades cubaines via une arme sonore très puissante qui fait fuir des tribus écossaises dans la brume. Non, ça suffit. Bonjour. Son rire. J'attendais à ce que vous fassiez quelque chose d'un peu plus sonore. Elle a depuis été heureusement innocentée. Elle est là pour vous donner votre livraison hebdomadaire du Journal des Sciences. C'est Natacha Triou. Bonjour donc Natacha. Bonjour Nicolas. On reprend son sérieux. Premier sujet de ce journal, l'annonce mardi de la découverte de fragments de crâne de l'homme de Denisova. On va en apprendre un peu plus sur Denisova. Il y a encore 10 ans, on ne connaissait même pas l'existence de cette espèce du genre humain qui a cohabité avec l'homme de Néandertal. C'est en 2010 qu'on a retrouvé en Sibérie, dans la grotte de Denisova, une phalange dont l'analyse ADN a révélé qu'il ne s'agissait ni d'Homo sapiens, ni des Néandertaliens. Alors par la suite, toujours dans cette grotte, on a retrouvé une dent. Et cet été, une analyse ADN a montré que l'homme de Denisova et la femme de Néandertal s'étaient croisés. Alors pour le moment, de lui, on ne connaît que son génome. Donc la découverte de ces fragments de crâne, c'est un peu un graal pour les paléontologues. Les parutions scientifiques sont attendues le 27 mars, mais il y a déjà beaucoup à en dire. Evelyne Heyer est professeure en anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle trouvait cette nouvelle réjouissante. Les os du crâne, c'est vraiment important parce qu'on a beaucoup de références sur les os du crâne. Je sais qu'avec des analyses très poussées, on peut regarder un peu l'épaisseur du crâne, comment il est fait. Ça va permettre de le comparer à d'autres restes d'hommes anciens pour voir un peu comment il se situe. Et peut-être qu'on va pouvoir trouver dedans aussi des isotopes, connaître un peu plus ce qu'il mangeait. Il va être scanné, on va regarder aussi si on peut à l'intérieur avec des scans suffisamment précis. Je pense que s'il y a plusieurs bouts, il va y avoir des tentatives de reconstitution vraiment de la morphologie. Peut-être qu'ils vont pouvoir aussi à nouveau extraire des matériaux organiques, que ça soit de l'ADN ou des protéines, peut-être des isotopes, à voir un peu selon la qualité des matériaux qui vont être trouvés. Mais de toute façon, c'est intéressant parce que, à mon avis, on va en trouver d'autres. Je veux dire, il y a pas mal d'endroits aussi en Chine où il y a peut-être des restes qui vont appartenir à cette espèce. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous montre bien cette histoire que dans notre espèce et dans les espèces, entre guillemets, plus anciennes, il y a toujours eu des croisements, quoi. Et donc, cette notion de croisement continu est quelque chose, je trouve, d'important pour bien comprendre l'évolution humaine qui est vraiment en buisson, en réseau et qui n'est pas du tout linéaire. Voilà, on reviendra bien sûr sur cette découverte en attendant les publications scientifiques officielles à la fin du mois. Deuxième sujet, mais en paléontologie, toujours une étude parue cette fois-ci dans le Journal of Archaeological Science revient sur les causes éventuelles, probables, du cannibalisme chez Néandertal. C'est un sujet qui est largement débattu par les chercheurs. Et là, cette étude a été menée à partir des restes humains trouvés sur le site de la Baume Moulagercy en Ardèche. Et ce qui est mis là en évidence, c'est l'impact des changements environnementaux sur les modes de vie de ces chasseurs-cueilleurs. Durant l'ère du Quaternaire, on sait que le climat a brutalement changé, mais on ne sait pas bien comment les Néandertaliens ont réagi au passage interglaciaire. L'étude des couches géologiques de cette période montre un effondrement drastique de la population animale et humaine. Des espèces disparaissent, la biomasse s'effondre. Alors comment les Néandertaliens ont réagi face à ces nouveaux écosystèmes? Alban De Fleur est chercheur au laboratoire de géologie de Lyon. Il est le co-auteur de cette étude. Sur ces 6 individus, il y a à la fois des stries de découpe laissées par le silex et également des points d'impact sur les crânes, tous. Les hommes ont exploité les restes de leurs congénères, au moins 6, parce qu'on sait maintenant, à des fins alimentaires. Ça, c'est une certitude. Alors ça, c'était l'objet du papier que l'on a passé dans la revue Science en 1999. Et en fait, on concluait ce papier en disant, oui, voilà, on sait qu'il y a eu cannibalisme. Le problème, c'est qu'on n'en connaît pas les causes. On a essayé de trouver les causes de ce cannibalisme. On pense qu'il y avait probablement, comme beaucoup de populations, un tabou sur la consommation de la chair humaine. Ensuite, on a examiné les os de façon très attentive, et notamment les dents. Et en fait, on s'est rendu compte que sur toutes les dents découvertes, il y avait des traces d'hypoplasie. C'est une pathologie de l'émail. C'est lié en fait à un arrêt de la croissance. On sait que ces individus qui ont été cannibalisés ont connu des périodes de disette. Je vous disais qu'on avait 4 sites à cannibales. Eh bien, au moins sur 3 sites, on a exactement les mêmes hypoplasies. Donc, c'est que ces individus traversaient, ceux qui ont été cannibalisés, traversaient des périodes, on peut dire, de famine. En bref, le WWF a publié mardi son rapport sur la pollution plastique. Et les chiffres sont alarmants. La production de plastique ne cesse d'augmenter dans le monde. Oui, les coûts de production ont chuté et le plastique vierge reste toujours moins coûteux que le plastique recyclé. Alors, selon WWF, si rien n'est fait, sa production pourrait augmenter de 40% d'ici 2030. C'est problématique, car 75% de l'ensemble du plastique produit n'est pas recyclé. Ça représente 100 millions de tonnes de déchets chaque année. Donc voilà, l'ONG appelle les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics à réagir avec des mesures efficaces comme par exemple l'interdiction du plastique à usage unique. En bref, toujours une autre menace pour les océans, cette fois-ci les canicules marines. Et dans cette étude parue lundi dans Climate Change, on apprend que ces 30 dernières années, les vagues de chaleur sous les océans sont 2 fois plus fréquentes et plus intenses qu'elles ne l'étaient au début du XXe siècle. Ces réchauffements sous-marins sont directement liés aux hausses des températures de l'atmosphère et leurs effets sur la vie aquatique sont dévastateurs, sur les coraux ou les forêts d'algues notamment. Selon l'étude, elle se conclut comme ça, des écosystèmes marins entiers vont disparaître dans les prochaines décennies. Et pour poursuivre ce journal, on revient sur cette annonce qui a fait grand bruit en début de semaine, ce patient de Londres qui serait le 2e cas de rémission du VIH, Natacha. C'est un cas assez similaire au patient de Berlin il y a 10 ans, le premier homme à avoir guéri du VIH. Alors ce patient de Londres a suivi un traitement similaire, un traitement très lourd et à risque. Pour traiter un lymphome, il a reçu une greffe de la moelle osseuse. La greffe provenait d'un donneur porteur d'une mutation génétique sur le co-récepteur CCR5, une mutation qui confère une résistance à l'infection au virus. Alors depuis 19 mois, sa charge virale est indétectable. Alors on a beaucoup entendu qu'il représentait un espoir de guérison, mais attention, même dans la lettre parue mardi dans Nature, l'équipe médicale n'emploie pas ce terme. Pour l'instant, les facteurs du succès de l'opération n'ont pas été identifiés, et entre-temps, d'autres essais similaires ont échoué. Alors des pistes de recherche sont ouvertes, mais on ne peut pas parler de stratégie thérapeutique. François Berdougo lutte contre le VIH chez Médecins du Monde, il est l'auteur de « La fin du sida est-elle possible ?» aux éditions textuelles. Petite remise en perspective avec lui. On est face à une situation qui est extrêmement spécifique, qui réunit un certain nombre de conditions très spécifiques, singulières à la personne concernée, et donc qu'il s'agit de mettre en perspective avant de se dire tiens, on a trouvé un moyen d'éradiquer le virus du sida d'un organisme humain. Il faut le prendre avec précaution parce que ce sont des succès expérimentaux. Pour autant, l'espoir que ça peut ouvrir d'un traitement ou d'une guérison pour une population de personnes concernées, il est pas à portée de main aujourd'hui. C'est logique que ça fasse les gros titres de la presse d'une manière ou d'une autre, parce que d'abord la question du sida et du VIH est une question qui mobilise. Ensuite, on peut parfois s'interroger sur le silence qui est laissé face à ça, sur la situation vécue par la très très très grande majorité des personnes vivant avec le VIH. Il y a un effet de distorsion à travers cette une médiatique entre le sort du plus grand nombre, qui est dans beaucoup de pays encore très instable, hein, et puis je rappelle quand même que il y a à peu près 16 ou 17 millions de personnes vivant avec le VIH qui n'ont pas accès aujourd'hui à un traitement qui les maintient en vie. Donc c'est quand même ça la priorité des priorités aujourd'hui, c'est de sauver des vies. Et cette question de la guérison, qui de fait est bien sûr notre horizon commun, mais qui n'est pas atteignable à court terme. Voilà, on continue à remettre les pendules à l'heure avec cette étude qui, aux surprises, confirme que le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, le ROR, ne provoque pas l'autisme. Et dans un contexte où les anti-vaccins sont de plus en plus nombreux et où la rougeole connaît une recrudescence inquiétante, c'est une étude, voilà, cette étude est la bienvenue. Elle a été réalisée au Danemark, c'est une étude épidémiologique de grande ampleur. Les dossiers médicaux de 650 000 enfants ont été étudiés sur cette cohorte. 6500 enfants souffraient d'autisme, mais les chercheurs n'ont trouvé aucun lien avec la vaccination. Alors c'est d'autant plus important de le rappeler que la France est l'un des pays du monde les plus méfiants envers le vaccin. Et on termine ce journal, comme toutes les semaines, par notre rubrique de Science Improbable avec une bonne nouvelle, enfin en tout cas sur, ça commence comme une bonne nouvelle, Natacha, c'est qu'on aurait découvert un élixir d'immortalité dans une tombe en Chine. Voilà, c'est un élixir qui est vieux de 2000 ans. C'est un liquide jaunâtre, hein, que les archéologues ont tout d'abord pris pour du vin. Environ 3 litres, hein, conservés dans un récipient en bronze. Et les manuscrits taoïstes, hein, décrivent, hein, ces remèdes d'immortalité. Là, c'est la première fois que l'on trouve donc un échantillon de ce breuvage. Conformément au texte ancien, il s'agit d'un mélange de nitrate, de potassium et d'alunite. Mais voilà, hein, dans une tombe, il semblerait que ça ne fonctionne pas très bien. Et qui explique pourquoi vous parlez si bien le mandarin ancien, Natacha? D'un seul coup, les choses s'éclairent. Invraisemblable. Merci beaucoup pour ce journal des sciences. Comme d'habitude, on fait un petit tour de table. On en parlait un peu hors micro et on se disait tous effectivement assez consternés par le traitement qui a été fait par ce patient de Londres et cette couverture de ce cas de rémission du VIH qui est, comme on l'a entendu, et c'est pour ça qu'on voulait remettre là aussi un peu les pendules à l'heure, vraiment pas du tout extensible à l'ensemble des cas et à l'ensemble des personnes qui sont infectées par le VIH, Caroline. Oui, c'est en effet seulement la deuxième fois que ça se produit. La première fois, on avait fait un gros dossier à Science et Vie. On avait notamment parlé aux médecins qui avaient travaillé sur cette méthode, enfin qui était à la base d'ailleurs pas une méthode pour guérir le patient. Mais pour guérir l'info, rappelons-le, hein, que ce sont des patients qu'on essaie de guérir de maladies, de cancer. Mais qui avait permis à un premier patient de ne plus avoir de traces du virus. Donc c'était intéressant, mais depuis, et c'est ce que vous avez expliqué, il y a eu des essais qui ont été faits, ça n'a jamais marché. Et cette fois-ci, ça a remarché. Je dirais que c'est le truc qu'il faut retenir. C'est-à-dire que cette fois-ci, on n'en a plus un, on en a deux. Peut-être on en aura trois, quatre. Ça pourra nous apprendre des choses sur la façon de combattre le virus et de réussir à s'en débarrasser, mais c'est certainement pas une méthode. Bien sûr que non. Ce qui est certain, c'est que ça fait progresser la recherche, indiscutablement. Exactement, c'est vraiment intéressant qu'on en ait deux cette fois. Voilà, parce que ça donne des renseignements sur les réservoirs du virus, mais ça n'est certainement pas un nouvel espoir de guérison. Florian, ça vous avait agacé un peu aussi. Ah oui, mais c'est ni de près ni de loin un espoir de guérison pour la majorité. Vous n'allez pas trouver 33 millions de donneurs de moelle osseuse génétiquement compatibles et porteurs de cette mutation pour guérir qui que ce soit. Enfin, c'est vraiment un cas anecdotique. Alors, ce que ça nous apprend, effectivement, par rapport aux patients de Berlin, c'est qu'avec un traitement moins toxique, une seule transfusion de cellules souches et pas d'irradiation, on arrive à des résultats similaires. Mais voilà, ça sera jamais une pratique de routine. C'est intéressant, mais ça mérite absolument pas la couverture médiatique prétendant qu'il y a un nouvel espoir, quoi. On est d'accord. D'autres éléments qui vous ont peut-être fait réagir. Ce qui était intéressant, Sylvain, vous qui avez une passion pour le cannibalisme. Assez peu pour le cannibalisme. Non, mais pour cette histoire aussi de Denisova, oui. La grotte de Denisova, qui est vraiment on va dire pour les paléontologues, une sorte de caverne d'Ali Baba. Et là encore, on a vu récemment des études sur le microclimat à l'époque dans cette région. Et là, un premier fragment osseux crânien. Donc c'est vraiment intéressant. Et je pense que dans cette région, il y a eu des brassages entre Néandertal et Denisova, donc des espèces humaines aujourd'hui disparues. Voilà, ça nous révèle tout un pan de l'histoire qu'il est très intéressant d'étudier. Et qui va continuer à se dérouler certainement devant nos yeux au fur et à mesure qu'on trouve des choses là-dessus aussi, sur ces deux actus paléo, Caroline. Non, moi j'aurais voulu réagir sur le truc improbable de la tombe. Sur le vous avez commencé à parler de ce liquide jaune, plusieurs lits, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est la soupe jaune ? Parce que ça, vous savez peut-être que dans la médecine chinoise traditionnelle, ancestrale, il y a une soupe qu'on appelle soupe jaune, qui est en fait quelque chose qui est fait à partir de sel. Oui, c'est la fécalothérapie dont on entend beaucoup parler maintenant avec les recherches sur le microbiote, où il s'agit de transférer, exactement, transplantation fécale. C'était quelque chose qui était fait de façon ancestrale en Chine, et en fait on appelait ça la soupe jaune. Donc j'ai vraiment cru que c'était ça, l'élixir d'éternité. Si en plus l'élixir d'immortalité est une soupe jaune, ça commence à faire un peu trop d'informations. Merci beaucoup Natacha, on se retrouve la semaine prochaine. Et pour commencer ce tour de table, une histoire digne d'un roman d'espionnage, ça pourrait être évidemment du James Bond, mais pourquoi pas du Tom Clancy ou du John le Carré. L'affaire sort dans la presse au mois d'août 2017. Les employés des ambassades canadiennes et américaines à Cuba se plaignent de maux répétés. Perte d'audition, nausées, migraines, insomnie et j'en passe. Les puissances occidentales suspectent l'utilisation d'une arme non conventionnelle. L'affaire devient un incident diplomatique sans que l'on sache exactement ce qui s'est bien passé. Florian Gouttière, c'est une histoire qui vous a passionné. Alors oui, effectivement. John le Carré, Tom Clancy, là, c'est oui-oui à la plage, sérieusement. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les relations diplomatiques entre Cuba et Washington, entre La Havane et Washington, avaient commencé justement à se resserrer. Et puis voilà qu'on apprend que des Cubains, que des Nord-Américains ont vécu des pertes d'audition, des migraines, des vertiges, vous l'avez dit. Et qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné qu'on a commencé à renvoyer des Cubains chez eux. On a rapatrier de façon définitive des diplomates sur le sol américain. Et puis, ça allait même plus loin, cette affaire, puisque en Chine, à Canton, on a appris aussi qu'il y avait des diplomates qui avaient eux aussi développé les mêmes symptômes. Et à chaque fois, ils racontent qu'ils ont entendu, enfin pas à chaque fois d'ailleurs, mais régulièrement, ils racontent qu'ils ont entendu des sons, alors soit des vrombissements, soit des sons très aigus. Et ça a amené l'administration Trump à dire, voilà, il y a des attaques contre l'intégrité physique de nos ressortissants, et le mot d'attaque acoustique est arrivé, puis il y a d'autres hypothèses qui sont arrivées pour expliquer. On va examiner cette hypothèse, mais ce son, on l'a retrouvé, on peut l'entendre, on va l'écouter. On vient de perdre une partie de nos auditeurs. C'est assez désagréable, c'est assez court. Ça pourrait presque rappeler ces outils, parce que il a été question, Florian, parfois, d'étudier justement un peu les effets sonores comme armes de dissuasion sur des groupes. Notamment, il y avait des tests qui avaient été faits, et assez probants, sur des populations adolescentes. Oui, alors ça, c'est des choses qu'on a... On s'est aperçu que les jeunes ont une audition meilleure que les adultes, et donc en utilisant des sons à l'extrémité du spectre audible, eh ben, on peut faire virer les adolescents de devant les devantures de certaines boutiques. Mais bon, voilà, on ne peut pas parler vraiment d'armes. Alors, il y a eu des recherches emblématiques sur l'utilisation du son comme une arme, ou en tout cas comme pour quelque chose qui a des effets biologiques étonnants. Et l'une des recherches les plus emblématiques, c'est dans le courant des années 90, il y a un chercheur britannique qui s'appelle Vic Tandy, qui a identifié une gamme de fréquences qui, diffusées dans des conditions expérimentales très précises, vont avoir des effets. Alors, il l'a d'abord expérimenté sur lui-même. Dans son laboratoire, en fait, il ne se sentait pas très bien. Il avait l'impression qu'il y avait des gens qui le surveillaient. Il avait parfois des sortes d'hallucinations, comme si ses yeux vibraient. Puis un jour, en réparant un petit bout de métal, il voit le bout de métal vibrer tout seul. Alors, hypothèse 1, il y a des fantômes dans la pièce. Hypothèse 2, il y a autre chose. Et en bon scientifique, il explore la situation, il découvre que c'est la clim qui émet des vibrations et qui fait vibrer ses yeux à cette fréquence très particulière, qui fait vibrer sa plaque de métal. Et il commence à faire des expériences pour voir si en utilisant cette fréquence, on peut reproduire ces sensations de mal-être. Alors, il y a une publication en 98 qui s'appelle Ghost in the Machine. Mm-hmm. Où il explique le fantôme dans la machine. Le fantôme dans la machine. Où voilà, il émet cette hypothèse. Et il y a un chercheur 10 ans plus tard, Richard Wiseman, qui a essayé d'expérimenter ça dans une salle de concert, pour essayer de comparer des gens qui sont auditeurs d'un concert normal, puis un concert avec ces ondes-là. Et on voit effectivement qu'il y a un tout petit mal-être, mais rien qu'on peut utiliser de façon, comme une arme, quoi. C'était comment ton concert, chérie? Je sais pas, je suis rentré, je sais pas, trac, c'était pas terrible. C'était un peu bizarre. Mais bon. Mais néanmoins, c'est vrai que cette histoire, il y a dans l'inconscient collectif, en tout cas, l'idée que on peut utiliser certaines fréquences de vibrations d'ondes sonores. C'est vrai dans la littérature fantastique. C'est vrai parfois sur Internet. Il y a eu toute une époque où il fleurissait sur Internet ces vidéos en disant, si vous les écoutez, vous allez avoir des hallucinations. Quelle est la base scientifique derrière tout ça, Florian? Ben, je vous dis, à part cette histoire de recherche de Vic Tandy, il n'y a pas grand-chose. Dans l'armée, c'était beaucoup intéressé à utiliser le son comme une arme. Alors, ils s'en sont surtout servis comme outil de torture contre des groupes religieux à Waco, contre des prisonniers de Guantanamo. Ils ont développé des émetteurs de son contre les contrebandiers, les pirates. Mais c'est-à-dire que là, en fait, ils utilisent, en fait, pour Waco, c'était de la musique qui passait de la variété ou du métal qui mettait à des volumes très très douloureux. Des chansons pour enfants, des chansons de Sesame Street, comme quoi ça, on arrive à torturer avec des chansons pour enfants. Ça s'appelle de la perversion à ce niveau-là. Bon, c'est autre chose. Mais alors, du côté des fréquences inaudibles, ben, les recherches, elles sont en fait au point mort depuis 15 ans. Quand on regarde les revues de l'US Air Force du début des années 2000, on voit qu'en fait, les recherches là-dessus, elles ont été abandonnées parce qu'on n'arrive à rien du tout. Pourquoi on arrive à rien? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir ces espèces d'armes de son canalisées qui enverraient, qui feraient vibrer comme ça l'air et qui créeraient des dégâts internes, puisque c'est un peu ça l'idée. C'est qu'il faut des conditions très particulières. Comme on a dit, il faut des salles de concert, il faut vraiment tout un ensemble de circonstances, ou alors être face à la personne et pouvoir utiliser un canon à son directement orienté vers cette personne. Et c'est pour ça que dans l'affaire des attaques sonores, des prétendues attaques sonores cubaines, ça tient pas du tout la route, puisqu'on parle de gens qui sont chez eux, qui sont ailleurs, qui sont dans leur bureau et qui soudain vont pas se sentir très bien. Alors il y a eu les Canadiens ont essayé d'explorer une fois que l'ambassade a été nettoyée, voir si l'eau était empoisonnée, s'il y avait des problèmes dans l'air. Ils ont absolument rien trouvé. Ils ont rien trouvé dans les murs non plus. Donc en termes d'émetteurs sonores, on a rien du tout. Et il faut peut-être aussi préciser quelque chose, c'est que quand tous ces gens-là ont été rapatriés, les symptômes sont arrêtés immédiatement. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de séquelles. Non. Mmh. Alors pas eu de séquelles. Effectivement, les Canadiens, ils disent, nos ressortissants, quand ils sont revenus, on n'a pas trouvé de séquelles du tout. Alors, chez les Nord-Américains, enfin chez les États-Unis, on a quelques personnes qui disent, nous, on a des séquelles. On a eu, quand on compare des scans cérébraux avant nos missions et après nos missions, il y a des différences. Et il y a d'autres hypothèses qui sont arrivées pour essayer d'expliquer, vu qu'il semblait y avoir quelque chose de physique. Ça a été l'utilisation d'armes micro-ondes. Ça, on en a entendu parler en septembre dernier. Le New York Times a mis ça en avant. Et on a parlé de l'effet Frey. Alors c'est quoi l'effet Frey? Durant les années 50, il y a des chercheurs qui ont essayé d'identifier si les micro-ondes, alors pas les micro-ondes qui servent à réchauffer les aliments dans une ambassade, on parle de la vaste gamme de fréquences qui sont comprises entre les infrarouges et les ondes radio, et si certaines de ces fréquences pouvaient avoir des effets biologiques. Et donc il y a un certain Alan Frey qui, en 1961, avait identifié une gamme de fréquences très étroite qui, à très forte puissance, pouvait entraîner des sensations auditives chez les volontaires. Et ses recherches suggèrent que certaines structures qui sont voisines de l'oreille sont très légèrement excitées par les ondes, se contractent de façon pulsatile et engendrent une perception auditive et éventuellement, si ça touche l'oreille interne, un petit déséquilibre. Sauf que, là encore, hors des laboratoires, on l'observe pas. Il faut vraiment travailler sur des antennes radio réglées d'une façon très précise pour avoir ces sensations-là. Et rien qui ressemble à ce qui s'est passé à Cuba. C'est-à-dire que ça, pour les micro-ondes, la recherche là aussi militaire, parce que c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de recherches dans ce domaine-là, a été abandonnée, ça n'aboutit à rien, on ne peut pas utiliser ces fréquences-là, ou alors dans des conditions, là aussi, comme pour les ondes sonores, très particulières, très directionnelles, dans des endroits qui ne sont pas applicables, finalement, à ce qui s'est passé dans les ambassades. Alors, dans la revue Nature, en 2012, il y a une journaliste spécialiste des questions de défense, Sharon Weinberger, qui a fait un résumé de tout l'état de la recherche sur les armes micro-ondes. Et en fait, elles disent que tout a été abandonné en raison du volume absurde du système qui permettait de refroidir ces appareils. Il faut porter les aimants à une température de moins de 269 degrés au terme d'un processus qui nécessite 16 heures. Et l'arme la plus aboutie qui est née de toutes ces recherches, alors on voit des vidéos sur Internet qui montrent cette arme. Et elle crée une sensation de brûlure. Ça touche l'épiderme. Vraiment à 0,5 mm sous la peau, et donc on a une sensation de brûlure très violente. Sauf que, en fait, quand on creuse un petit peu le sujet, il faut des conditions encore très particulières. C'est que dès qu'il fait un petit peu humide dans l'air, ça fait plus du tout mal. Au contraire, il y a des journalistes qui avaient été invités à tester cette machine pour bien voir à quel point ça fait mal. Au contraire, ils trouvaient que c'était très agréable. Et parce que ça réchauffe l'atmosphère ambiante, en fait. Ça réchauffe l'humidité ambiante. Voilà, et plus du tout leur peau. Donc voilà, pour une arme destructrice, ça marche plus très bien. Ça fait un petit hammam sympatoche ça fait un peu cher quand même. Alors, la plausibilité d'un danger lié à des armes micro-ondes est telle que Philip Coyle, qui est un ancien directeur associé à la sécurité nationale de la Maison Blanche avait déclaré qu'ils préféraient que les terroristes consacrent tout leur temps à travailler sur une arme micro-ondes plutôt que sur des voitures piégées, parce qu'ils savent que c'est un cul-de-sac total. D'accord. Alors du coup, alors une question, parce qu'il y a deux autres hypothèses qui sont notamment la dernière très intéressante, mais la question évidemment de tout bon conspirationniste qui se respecte, c'est de dire, Florian, qu'est-ce qui garantit qu'il n'y ait pas de recherche secrète? Ce que vous me dites là, c'est de la recherche qui est publique. Qu'est-ce qui garantit que finalement, on a trouvé des trucs et Cuba a trouvé quelque chose, c'est planqué et personne ne le sait? Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que depuis la fin des années 90, début des années 2000, les crédits de recherche ne cessent d'être coupés. Il y a des gens qui demandent à ce que ce soit réactivé. Et en fait, c'est vraiment un constat d'échec permanent et on met de l'argent ailleurs, on met de l'argent dans des choses plus dangereuses. Et qui aboutissent. Du coup, il reste deux hypothèses pour expliquer ces malaises, ces nausées, ces pertes d'audition dans les ambassades à Cuba et en Chine. La première d'ordre entomologique, ça je trouve ça assez amusant. Alors je terminerai par celle d'ordre entomologique parce qu'elle est arrivée sur le tapis très récemment en fait. Il y en a une autre qui est arrivée plus vite sur le tapis. Moi c'est celle-là que je trouve intéressante, ça c'est assez passionnant. C'est la dimension psychologique, en fait. Il y a des chercheurs, notamment un Cubain, Dionisio Pérez, ou un États-Unien, Roberto Bartolomeu, qui disent, regardez bien, vu qu'il n'y a rien de plausible au niveau physique, il faut regarder ailleurs. Et ils disent, voilà, on parle de modification de la substance blanche, mais en fait, dans le cerveau de certaines personnes, mais ça pourrait être juste lié à la dépression, au vieillissement. En fait, eux, ils pensent que c'est un cas classique d'épidémie de masse, d'origine purement psychologique. Alors ils disent, attention, on dit pas que les gens sont des hypochondriaques, qui font semblant, bien au contraire, c'est une réponse collective à un stress. Les employés de l'ambassade cubaine, surtout au moment où Trump est arrivé au pouvoir, on leur a dit, faites bien attention, peut-être que les Cubains, ils vont tenter quelque chose. Ils sont mis à être en hyper-vigilance et à s'attendre que quelque chose arrive. Et en fait, ces chercheurs, ils rappellent qu'il y a eu beaucoup d'autres cas dans la littérature scientifique qui sont très documentés. Par exemple, une épidémie en 74 dans une école infirmière aux États-Unis où on a eu les mêmes symptômes, altération de l'audition, des sensations et des perceptions auditives étranges, etc. Alors que ça ne reposait que sur la peur que quelque chose se passe en période de guerre froide. Une sorte d'effet de suggestion collective, en fait, Caroline. Oui, ça s'appelle le syndrome du bâtiment malsain. C'est quelque chose qui est très étudié. Génial. Et il y a aussi des cas dans des écoles, notamment des écoles primaires en France. Et l'apparition du cas chinois, justement, le cas à Canton, est tout à fait symptomatique. On a dit à tous les ambassadeurs de tous les pays, faites attention, si vous entendez un son bizarre, c'est probablement une attaque contre nous. Donc, moindre sensation d'inconfort, au moindre son étrange qui a pu être entendu, eh bien, en cascade, on s'est dit « Oh là là, mais est-ce que tout ça n'est pas dû à une attaque ?» Et donc, si vous avez la nausée parce que vous avez mangé quelque chose de pas frais, eh bien, vous l'associez à ça. Et puis, d'un seul coup, il y a l'effet d'entraînement de la collectivité, de la paranoïa collective. Donc, eux, les chercheurs, ils sont persuadés que ça risque de ne s'arrêter jamais, ou alors, il y a un moment où, à partir du moment où on croit que ça va arriver, ça peut arriver. Et donc, la toute dernière hypothèse qui est donc entomologique. Eh bien, très récemment, en janvier, il y a deux chercheurs qui ont publié sur Bioarchivix des analyses qu'ils ont fait du son qu'on a entendu tout à l'heure, qui n'est pas le seul des sons, puisqu'on parle des sons très aigus ou des vomissements très graves. Et eux, ils ont fait plein de tests avec des filtres sur leur logiciel, et ils se sont dit, en fait, on arrive à reproduire exactement cette signature acoustique en prenant des grillons qui se trouvent à Cuba. Et il est possible qu'une partie des sons que les gens aient entendus soient des grillons qui, peut-être dans des canalisations, sont mis à faire ce bruit terrible. On va peut-être réécouter ce son, et d'un seul coup, si on sait, on va pas réécouter ce son, on va le réécouter en quelques instants, le temps qu'il le cale en technique. Très bien, et donc voilà leur hypothèse, c'est que ce son-là qu'on entend, c'est le son des cigales. Non, mais c'est probablement un son qui a... Effectivement, ils l'ont enregistré avec leur smartphone, et c'est un son qui les a convaincus qu'il y avait un problème. Mais une fois qu'il y a eu ce substrat physique, et qui peut faire vraiment mal au crâne, eh bien, après, ils en ont parlé à leurs confrères, qui, au moindre bruit de clim ou autre, ont commencé à avoir une psychose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les psychologues, eux, ils disent, nous, on ne dit pas que les armes acoustiques, etc., ça n'existe pas. Ils veulent bien rester ouverts à cette hypothèse, mais ils estiment qu'aucun argument sérieux n'est aujourd'hui sur la table. Et en vertu du principe de parcimonie, qui invite à privilégier jusqu'à ce que de nouveaux éléments soient versés au dossier, l'hypothèse qui fait intervenir le moins d'éléments incertains ou douteux, eh bien, ils invitent à faire preuve de scepticisme. On va couper le son, parce que nos auditeurs sont en train de couper le poste de radio. C'est vrai que j'ai un peu la nausée, là. Enfin, c'est quelque chose, là, il Je trouve cette histoire absolument passionnante, ouais. Caroline. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant et puis c'est très mystérieux. Et c'est vrai que ce dont je parlais, le syndrome du bâtiment malsain, c'est quelque chose qui est quand même connu, qui est aussi pris en compte, par exemple, quand il y a des travaux dans un bâtiment et que tout d'un coup, tout le monde commence à se gratter ou commence à avoir des allergies, ce genre de choses. Ou à éternuer spontanément dans un bureau, je parle à des destination d'une équipe, d'une mission scientifique. Il y a vraiment des formes de contagion comme ça, inexplicables. On a réussi à faire croire que certains bâtiments étaient hantés juste en racontant que le bâtiment était hanté. Et puis après, on fait rentrer les gens dedans, ils sentent des choses. C'est assez facile. C'est assez fascinant. Oui, ce qui est rigolo sur cette histoire de grillon et d'entomologie, c'est qu'apparemment, une des explications, ça serait qu'effectivement, le grillon de Cuba fait ses vibrements à des fréquences plus hautes que le grillon aux États-Unis, hein, 7 kHz contre 5 kHz aux États-Unis. Donc effectivement, les ambassadeurs auraient entendu des vibrissements plus aigus et auxquels ils n'étaient pas habitués. Bon, bien sûr, reste à vérifier. Mais... Le grillon de Cuba travaille donc pour les services secrets aussi, c'est peut-être ça. Il est là le complot. Évidemment, on commence à recruter les agents maintenant. C'est les microscopiques individus qui rampent dans votre maison. Faites attention aux fourmis qui vous observent. Well, you've got your diamond and you've got your pretty clothes and the chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father be there with her if he only could. But don't play with me 'cause you're playing with fire. Her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me 'cause you're playing with fire. So don't play with me 'cause you're playing with fire. Après avoir abîmé vos oreilles avec le bruit du grillon cubain, on voulait vous faire un peu de bien avec les Rolling Stones, Play With Fire, puisque pour le deuxième sujet de cette table ronde, nous allons parler de feu et de grand feu, et des records de chaleur en Australie qui a connu des chaleurs extrêmes encore maintenant, et avec les chaleurs extrêmes, la sécheresse, les incendies géants qui ravagent des surfaces grandes comme des nations européennes. Ces incendies géants, on les appelle des méga-feux, ils ont aujourd'hui étudié comme des incendies à part avec leur propre dynamique, Caroline, leur propre puissance dévastatrice aussi. Oui, des incendies hors normes dont on entend de plus en plus parler, c'est ce que vous disiez, l'Australie là, qui recommence à flamber après avoir connu un été le plus chaud jamais enregistré, avec des moyennes de température au-dessus de 30 degrés sur l'île continent, qu'on n'avait jamais vu ça. Donc les méga incendies, on a donc l'impression d'en entendre de plus en plus parler, mais pour autant, est-ce que c'est une situation, une tendance qui va continuer? Eh bien, il y a des chercheurs, en effet, qui travaillent sur le sujet dans un contexte intéressant et paradoxal, c'est que, en fait, depuis une vingtaine d'années, les surfaces qui brûlent sur la planète ont plutôt tendance à diminuer. Et même diminué fortement, c'est 25% en moins qu'il y a 20 ans. Et ça... Avec un changement de répartition géographique aussi. Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que si globalement la planète brûle moins sur de grandes surfaces, ce qui se passe, c'est qu'elle ne brûle plus de la même façon. Traditionnellement, les zones dans lesquelles ça brûle, c'est les zones semi-arides, tropicales semi-arides, dans lesquelles le brûlis est utilisé, dans lesquelles il y a peu de cultures agricoles, peu de peuplement, et c'est là que donc les incendies faisaient les plus grandes surfaces. Mais là, c'est plus le cas. Ce sont des zones qui sont de plus en plus peuplées, où l'agriculture se développe. Donc là, ça ferait une forte restriction, les fameux 25%, alors qu'ailleurs, on se retrouve dans des situations, typiquement en Australie, mais également dans le sud de l'Europe, et puis évidemment Portugal, en Californie, qui a été quand même, avec le cas de Paradise, qui a été quand même un incendie incroyable, et puis qui a été de nombreux morts, ouais, bien sûr, ville, qui a complètement disparu, qui était une ville qui était cachée dans la forêt. Et d'ailleurs, ça explique évidemment, c'est l'une des explications de ces méga-feux. Il y a eu plus de 85 morts, de nombreuses habitations détruites à Paradise en Californie. Donc là, il se passe quelque chose où les incendies ont changé de nature, sont hors normes. Alors, c'est quoi la différence? Comment est-ce qu'on différencie justement un incendie traditionnel, qui est toujours très impressionnant, d'un méga-feu? Oui, c'est quoi un méga-feu? Mmh. Du coup, les scientifiques se renvoient un peu la question, parce qu'il n'y a pas de définition qui serait acceptée par tous. Ce que l'on peut dire, c'est qu'un méga-feu, en tout cas, c'est 2 à 3%, les méga-feux représentent 2 à 3% des plus grands incendies d'un continent, que ça dépend en fait de la surface moyenne des incendies sur ces continents-là. En France et en Europe, on parle d'un méga-feu à partir de 1000 hectares, mmh. alors qu'aux États-Unis, c'est 10 000 hectares. Donc on voit que c'est évidemment pas les mêmes surfaces. C'est simplement que c'est quelque chose, c'est ce que vous disiez, c'est hors norme, inattendu et puis incontrôlable. Ce sont des feux dont la nature, même la rapidité, ils se déplacent beaucoup plus rapidement. La hauteur des flammes peut être au-dessus de 50 mètres de flammes, alors que les arbres vont être à 15 mètres. Eux, on ne peut pas s'approcher. Les pompiers voient leur matériel fondre littéralement. À Paradise, c'est ce qui s'est passé. Les camions se disloquaient, les tuyaux était complètement inutilisable. Donc on ne peut pas le maîtriser, on ne peut pas l'arrêter, il va très vite, il faut courir au lieu de marcher, il faut vraiment courir pour éviter l'incendie. Donc on est sur des situations comme ça incontrôlables. C'est ça un méga-feu. Mmh. La question c'était surtout, il représente 2 à 3% des incendies totaux, mais en revanche, il représente la moitié des surfaces détruites. Oui, exactement, oui, c'est vrai, de plus en plus. Et puis, ce qui est clair, c'est que pour que ces feux inarrêtables, soit ces feux infernaux apparaissent, il faut avoir 3 conditions. Alors, les conditions, celle à laquelle on pense, c'est la condition météo. Évidemment, il faut qu'il y ait une certaine sécheresse, que la végétation et que l'humidité ne soient pas présentes. Il faut aussi qu'il y ait du combustible, autrement dit, du bois. Et il faut une allumette. Et là, l'allumette, c'est généralement l'humain ou l'œuvre humaine. Et là, on est vraiment sur les méga-feux, dans une situation où, sur ces 3 paramètres, l'humanité a joué le monsieur plus, puisqu'il y a de plus en plus de combustible. Et pourquoi il y a de plus en plus de combustible? C'est aussi parce qu'en fait, on a appris à lutter, notamment dans les zones qui sont touchés par les méga-feux, on a appris à lutter contre les incendies. Les services de protection contre les incendies sont efficaces. Et on arrive à limiter tous ces petits feux naturels qui prenaient et qui flambaient. Résultat, on a plutôt une concentration de combustible, de plus en plus de bois. Quand on parle de combustible, ce n'est pas que le bois, hein, c'est le couvert forestier en fait. Exactement. Et c'est ça, c'est ce couvert forestier de feuilles, d'épines très très sèches et qui s'enflamment, qui s'embrasent à la moindre étincelle. Exactement, de plus en plus de bois ou de forêts qui ne sont pas entretenues, dans lesquelles par exemple également il n'y a plus de ramassage, on ne fait plus le ramassage du bois. Et puis il n'y a plus aussi cette dispersion des troupeaux qui permettait d'entretenir les forêts. Donc il n'y a plus ça, il y a du combustible qui s'accumule, une tendance à avoir une dissémination de l'habitat de plus en plus large, avec des périphéries qui deviennent habitées, à la frontière, à la lisière des forêts, donc là on parle de l'allumette encore. Et puis le climat, et là on met le doigt évidemment sur un truc important, si les méga-feux prennent autant d'importance et ravagent de plus en plus la planète, c'est aussi parce que les conditions météo se transforment. On est dans des situations de plus en plus arides et puis avec des jours de précipitations qui sont de plus en plus ramassés. C'est-à-dire que il peut pleuvoir beaucoup, mais sur un très court temps, très court laps de temps, résultat des courses, le combustible est là, l'allumette est là et puis la sécheresse aussi. C'est l'augmentation, on parle de jours favorables. Hein, exactement. Il y a un certain nombre de jours favorables et ce nombre de jours favorables à ces départs de feu est en très très nette augmentation. Il y a eu une étude toute récente qui a montré que le nombre de jours favorables aux incendies a augmenté de 19% depuis les années 80, voilà, sur la planète. C'est une moyenne. Et il y a des zones sur lesquelles c'est plus de 100%. C'est énorme. Hein, c'est vraiment beaucoup plus important. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que d'ici 2050, on aurait plus 35% de jours favorables aux incendies sur la planète. Donc on est vraiment clairement sur une tendance pour les méga-feux. Comment on fait du coup pour les juguler ces feux-là, puisqu'on ne peut pas s'en approcher, ils vont trop haut, les pompiers sont désarmés, il y a des solutions? Oui, il y a des solutions, il y a de bonnes solutions même. On pourrait, des leviers d'action, on pourrait éviter évidemment certains types de plantations, les plantations de conifères ou d'eucalyptus. Les eucalyptus par exemple, c'était ce qui a provoqué les grands incendies au Portugal. Il y a quelques années de ça, je ne sais pas, on avait vu des images entre Porto et Lisbonne avec les collines en feu autour de l'autoroute. Voilà, c'était des eucalyptus, des plantations d'eucalyptus. Donc le type type de plantation, c'est important. Les eucalyptus, dont on peut rappeler qu'ils ont été beaucoup plantés pour faire du papier. Et qu'ils ont été très, très critiqués parce qu'ils appauvrissent les sols, ils sont extrêmement gourmands en eau, voilà. Ils assèchent complètement la terre. C'est l'industrie, ça crée des forêts industrielles. Ouais, c'est des forêts industrielles, ça crée des écoulements de boue parce qu'évidemment, quand il pleut d'un seul coup, il n'y a plus rien qui retient les racines. Exactement, ouais. Donc c'est vraiment un problème d'avoir des forêts qui ne seraient que d'une seule essence. Il y a également l'installation des habitants au cœur des forêts. Donc là, on parle de l'allumette, en gros. On parle de zones inflammables, comme on parle de zones inondables maintenant. Exactement. Mmh. Il faut réfléchir aux zones inondables, comme sur les zones inondables. Et d'autant plus que quand on parle de méga-feu, on pourrait comparer ça à des crues centennales. Clairement, quand il y a un méga-feu quelque part, c'est parce qu'il n'y en a pas eu de petit depuis très longtemps. Donc on est vraiment dans une façon de se protéger. Et puis après, évidemment, il y a la lutte contre le réchauffement climatique plus global et ça viendra inclure la diminution des risques de méga-feu. On parle aussi, alors ça c'est plus surprenant, d'incendie préventif. Oui. C'est quelque chose qui s'est beaucoup, beaucoup pratiqué d'ailleurs. C'est-à-dire en quoi ça consiste ? Eh bien, ce serait l'idée de pouvoir diminuer le combustible, diminuer les réserves de combustible, donc diminuer tout ce qui va être broussailles et présent sous les arbres pour éviter la dispersion du feu. C'est quelque chose qui peut paraître contre-intuitif, mais clairement provoquer des incendies et à des périodes justement où il y a moins de vent ou à des périodes dans lesquelles on va pouvoir contrôler le périmètre qui brûle, eh bien, ça nous protégera d'incendies qui, eux, ne sont pas contrôlables. Voilà, ces méga-feux, ça vous suscite des réactions, Florent Gouthière, Sylvain Guilbeault, qui a qui l'honneur, Sylvain. Oh, moi, j'avais juste une question, du coup, à Caroline, puisque tu disais que la définition du méga-feu dépendait des continents, et je me demandais, du coup, si les feux qu'on avait parfois, du coup, en France, que ce soit, par exemple, dans le sud de la France ou en Corse, pouvaient être qualifiés de méga-feu ou tout ça. Alors, c'est pas question piège. Simplement, ce qu'on sait sur l'Europe, c'est les 1000 hectares. Donc, je ne sais pas. Il faut juste regarder dans les bases de données. Ceux qui ont dépassé 1000 hectares, je ne pourrais pas le dire. D'accord. Mais clairement, en Europe, il y en a. Ouais, okay. Les incendies au Portugal, là, c'était le cas. Ce qui est intéressant, c'est pour parler aux physiciens qui s'expriment toujours à travers Sylvain. Ce qui est intéressant, c'est que la dynamique de ces feux, en fait, s'explique l'article de Science et Vie, la dynamique de ces feux n'est pas la même. C'est-à-dire que la dynamique de propagation n'est pas la même, la vitesse de propagation n'est pas la même. Les vitesses de température, tout ça, c'est une dynamique différente des incendies traditionnels. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies que les incendies préventifs pour se débarrasser des broussailles? Alors, on pourrait avoir le retour de l'économie pastorale avec les troupeaux, par exemple, évidemment, ou le ramassage du bois, c'est ce qu'on disait. C'est dans les zones où traditionnellement c'est pratiqué, la forêt, elle est entretenue, en permanence entretenue. Donc, ça pourrait être une solution aussi. L'entretien de la forêt, le pastoralisme, le fait de préserver. On est plus quand même dans l'idée d'avoir une protection anti-incendie qui travaillerait avec l'incendie. Voilà, c'est plutôt ça qui serait la solution pour éviter que ça prenne de l'ampleur. Vous ne le voyez pas puisque c'est le principe de la radio, vous ne faites que nous entendre, mais comme toujours, je vais vendre la mèche. Sylvain Guilbeault porte désormais des costumes sur mesure de tailleur italien et sa paire de chaussures ferait pâlir le portefeuille d'ex-ministre pourtant porté sur la cordonnerie. Alors, comment un journaliste scientifique peut-il s'enrichir aussi subitement dans des proportions manifestement scandaleuses? Et si la barrière inférieure du numéro du mois de mars de la recherche sur le blockchain et le bitcoin y était pour quelque chose, Sylvain? Oui, alors malheureusement, je ne me suis pas enrichi avec l'écriture de cet article, mais c'est vrai qu'on revient sur la blockchain qui est vraiment un mot à la mode en ce moment, qu'on met un peu à toutes les sauces d'ailleurs, depuis que justement le bitcoin, donc cette monnaie virtuelle, est devenue célèbre. Et donc dans la recherche, on fait le point avec Georges Gontier, qui est informaticien à INRIA, et aussi un peu pour expliquer ce qu'est la blockchain, et aussi pour briser quelques idées reçues. En fait, la blockchain, c'est une technologie qui permet de se mettre d'accord sans autorité centrale. Elle répond en fait à un problème particulier qui est celui du consensus ouvert. Comment est-ce qu'on fait quand on est nombreux, quand chacun est libre de participer pour arriver à un consensus? Et donc, comme vous le disiez, elle est née avec le Bitcoin en 2008. Donc le Bitcoin, cette monnaie dont on ne sait pas très bien qui est à l'origine d'ailleurs. L'auteur, il y a toute une sorte de mythe autour d'un auteur qui a un nom japonais, mais on ne sait pas si c'est une vraie Satoshi personne. Satoshi Nakamoto. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que le Bitcoin est un bon exemple pour expliquer la blockchain, qui est un exemple, une technologie beaucoup plus générale que le Bitcoin en particulier. Donc finalement, quelle est la différence entre un Bitcoin et la monnaie qu'on utilise tous les jours? Puisqu'au fond, on parle de monnaie virtuelle souvent pour le Bitcoin, mais la monnaie qu'on utilise la plupart du temps pour nos transactions financières. Elle est tout aussi virtuelle. Voilà, les cartes bancaires, les crédits, tout ça, ce n'est qu'un jeu d'écriture sur des livres de compte. La différence avec une monnaie traditionnelle, c'est qu'elle est gérée par une autorité centrale, une banque. L'idée d'une banque qui sert justement à authentifier les auteurs des transactions, à vérifier que je possède bien l'argent que je veux dépenser, et à aussi empêcher que n'importe qui vienne modifier les bases de données des transactions. Pour dire d'un seul coup, voilà, un tel a beaucoup plus d'argent et un tel... Voilà. Au contraire, l'idée du Bitcoin, c'est vraiment de se passer des banques, de se passer de l'autorité centrale. Donc finalement, Bitcoin, c'est un réseau où tous les utilisateurs sont en principe égaux et possèdent physiquement les bases de données des transactions, cette base de données qui est physique sur leur disque dur. Registre. Voilà. Mmh. Et donc ce registre des transactions qui est public, que tout le monde peut consulter. Donc en fait, déjà ça, c'est cette distribution, elle est efficace si jamais un utilisateur perd cette base de données parce que par exemple son ordinateur crash. C'est pas un problème puisqu'il y a de multiples copies, donc des sauvegardes, et on peut facilement la retrouver. C'est pour ça qu'on entend dire que la blockchain est indestructible. Et on peut préciser par ailleurs que ce registre que tous les utilisateurs de la blockchain possèdent, il permet de remonter jusqu'à la toute première transaction où il est infalsifiable. C'est important de le garder à l'esprit. Ouais, tout à fait. Et donc en fait, chacun peut écrire une transaction sur ce registre. Vous par exemple, Nicolas, si vous êtes utilisateur de Bitcoin, et ben votre transaction peut s'écrire sous la forme moi Nicolas, j'utilise les 10 Bitcoins que m'a donné Sylvain pour les donner à Florian. Vous auriez pu m'en filer un peu plus. Hein. Voilà, non mais 10 Bitcoins au cours actuel, c'est quand même beaucoup. Hein. Mais c'est 3000 et des brouettes, mais ouais. ça a été plus que ça. Bref, voilà, absolument. Ce n'est pas l'enjeu de ce débat. Allons-y. Mais donc chacun peut écrire ce type de transaction. Mais comment est-ce qu'on synchronise toutes les bases de données entre elles, que ces bases de données sont disséminés entre tous les utilisateurs. Pour éviter les doubles dépenses, par exemple. Parce que vous pourriez très bien écrire cette transaction où vous donnez mes 10 bitcoins à Florian, Nicolas, mais vous pourriez en même temps, à un autre endroit du réseau, écrire la transaction « Je donne les 10 bitcoins que j'ai reçus de Sylvain à Caroline ». Et si jamais ces deux transactions étaient validées en même temps, il y aurait un problème, vous auriez utilisé deux fois la même quantité de monnaie. Mais c'est là qu'intervient justement la blockchain. Donc, je vais maintenant expliquer pourquoi « bloc » dans « blockchain ». Donc en fait, le principe, c'est justement pas de valider toutes les transactions instantanément et tout en même temps, mais de ralentir un peu le processus. En fait, chaque utilisateur du réseau va enregistrer la liste des transactions qui sont en attente de validation, donc et va les enregistrer dans ce qu'on appelle un bloc. Et périodiquement, pour la blockchain de Bitcoin, c'est environ toutes les 10 minutes, on va choisir un des utilisateurs du réseau et on va dire la liste de transactions de cet utilisateur, on les valide. Et ça fait un bloc qu'on rajoute à l'ensemble des blocs de la blockchain. Et ça, c'est ce qu'on appelle faire un consensus. Donc ça, c'est la première partie du mot blockchain. Les transactions sont validées sous forme de blocs, de listes de transactions. Maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, la blockchain est infalsifiable. On peut remonter jusqu'à la première transaction. Et donc ça, c'est parce qu'elle utilise un principe qu'on appelle l'empreinte numérique, ou en fait la fonction de hachage. Alors là, peut-être un petit mot sur cette fonction de... Sortez les hachoirs. De hachage. Donc en fait, le hachage, c'est une fonction mathématique qui fonctionne un peu comme une moulinette, à laquelle vous mettez en entrée de cette moulinette un fichier de taille arbitrairement grande. Ici, en l'occurrence, ce sont les transactions que vous souhaitez écrire. Et en sortie de cette fonction de hachage, de cette moulinette, elle vous sort une suite de caractères de taille finie, quelle que soit la taille du fichier que vous avez mis en entrée. Donc ici, c'est dans le cas de la blockchain, c'est 32 caractères, par exemple 32 chiffres, et donc qui représente une empreinte du fichier que vous aviez en entrée. L'intérêt, c'est que de stocker ces transactions sous forme d'empreintes numériques, c'est d'une part bien sûr que c'est fait plus léger à stocker que si vous aviez l'ensemble des transactions à écrire, mais surtout que ces empreintes identifient à coup sûr le fichier d'origine. Deux transactions différentes auront deux empreintes numériques différentes après un hachage, et surtout, ces empreintes sont très sensibles aux variations dans le fichier d'origine. Si jamais je suis un utilisateur malveillant de Bitcoin et que je fais une petite modification dans une des transactions du registre, eh bien ça va introduire une grande modification de son empreinte électronique qui sera visible dans la blockchain. En plus, une fois que chaque bloc sur le principe des conditions initiales dont on a beaucoup parlé ici, voilà. Et en plus chaque bloc de la blockchain contient donc la liste, comme je disais, des transactions qui vont être validées, mais contient en plus l'empreinte numérique du bloc précédent. Donc le bloc contient la trace des transactions du bloc précédent, qui lui-même contient la trace des transactions du bloc précédent, ainsi de suite. Et on remonte jusqu'à la première. Voilà, et donc c'est cette mise en abîme qui fait l'infalsifiabilité de la blockchain. Donc merci grâce à vous Sylvain Guilbaud pour ce petit cours de rappel de ce que c'est qu'une blockchain. Maintenant si on en revient à la question du Bitcoin, alors il faudrait dire est-ce qu'on a le temps de reparler du minage? Peut-être que ça va être un peu vite. C'est important parce que oui c'est important. C'est important de parler du minage bien sûr parce que surtout j'aimerais vous amener à nous dire dans les quelques minutes qui vous restent pourquoi aujourd'hui la preuve de travail est en train d'arriver à son terme. Oui. Voilà. C'est votre défi, Sylvain. Vous avez 5 minutes. Top chrono. Très bien. Et ben, effectivement. En fait, comme je vous ai dit, le point central de la blockchain, c'est d'arriver à un consensus entre plein d'utilisateurs. En l'occurrence, comment ça marche avec le Bitcoin? C'est ce qu'on appelle le minage ou la preuve de travail. Donc, j'ai dit que pour valider un bloc de la chaîne de Bitcoin, il fallait donc prendre sa liste de transactions plus l'empreinte numérique du bloc précédent, de la faire passer par une fonction de hachage pour ainsi obtenir une nouvelle empreinte numérique. Et puis, on rajoute cette nouvelle empreinte dans le bloc suivant avec les transactions suivantes à valider, etc. Donc, le principe du consensus, c'est de n'arriver à valider qu'un seul bloc à la fois pour éviter justement les doubles dépenses dont je parlais tout à l'heure. Et donc, pour ça, le principe, pour empêcher que tous les utilisateurs valident leur bloc en même temps, le principe, c'est de rendre ce hachage de blocs plus difficile en imposant une contrainte sur l'empreinte numérique du bloc à valider. Et cette contrainte, elle se traduit, je donne un exemple illustratif, mais par exemple, on dit il faut que l'empreinte numérique du bloc commence par 4 chiffres identiques, par exemple. Et ça, en fait, c'est la probabilité que le hachage d'un bloc produise une empreinte avec 4 chiffres identiques au début est très faible. Donc, que va faire un utilisateur en particulier, ou plutôt l'algorithme de minage qui tourne sur l'ordinateur d'un utilisateur? Eh bien, cet algorithme va donc prendre son bloc avec l'empreinte du bloc précédent, la liste des transactions à valider, et va rajouter une ligne de caractères supplémentaires. Il va calculer l'empreinte par fonction de hachage de ce bloc, et va regarder si oui ou non la contrainte est satisfaite, si oui ou non cette empreinte commence par 4 chiffres identiques. Si c'est pas le cas, eh bien, il va remodifier la ligne de caractères qu'il avait ajouté, recalculer la fonction de hachage, revérifier si elle vérifie les conditions, et si c'est pas le cas, il va remodifier, etc. En fait, c'est bête et méchant. C'est des problèmes de maths, quoi. Voilà, c'est des problèmes de maths, et en fait, on montre que la seule façon de cette force brute de calcul est le moyen le plus efficace de résoudre ce problème, qui fait qu'en moyenne, toutes les 10 minutes, un seul utilisateur peut trouver cette empreinte et donc valider un bloc. Le problème un peu avec le Bitcoin, Sylvain, aujourd'hui, c'est que c'était, comme vous le disiez au début, une utopie un peu libertarienne de dire on se débarrasse des banques, c'est une monnaie qui peut être minée par n'importe qui, on gagne comme ça, on crée de la monnaie, elle est limitée à 21 millions d'unités. Bref, or aujourd'hui, on voit bien que cette utopie, elle s'est un peu cassée les dents sur la réalité, que les mineurs de Bitcoin, c'est des gros groupes en Chine qui monopolisent complètement le minage et la création de nouvelles unités. Bref, pourquoi est-ce qu'il faut changer ce système? Et comment? Déjà, il y a ce problème 2 minutes. D'oligopole, et en plus, il y a le problème de l'empreinte écologique, parce que bien sûr, derrière la réserve en fait sur laquelle se base la preuve de travail du Bitcoin, c'est finalement la consommation d'électricité des machines qui tournent. Absolument. Et ça, on se rend bien compte. Alors, il y avait des estimations de la consommation électrique de l'ensemble des processeurs qui minaient du Bitcoin, et j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est faramineux. Faramineux, et en plus, comme ça augmente, de plus en plus de gens minent du Bitcoin, ça devient catastrophique. Donc, mais l'idée, en fait, c'est de changer cette façon de faire un consensus. Plutôt que d'utiliser la force brute, plutôt que d'utiliser la preuve de travail, utilisons d'autres preuves qui soient moins requéreuses d'énergie. Alors, il y a plein de possibilités. Là, on rentre dans le domaine de l'algorithmique distribuée, qui cherche à former des consensus de manière différente. Et une des pistes, par exemple, c'est de faire des preuves d'enjeu. Qu'est-ce que c'est une preuve d'enjeu? C'est au lieu que tous les utilisateurs du réseau participent au minage, donc à l'élaboration du consensus, qu'on ne retienne qu'une petite partie des utilisateurs par exemple, ceux qui ont un enjeu particulier dans la liste de transactions en cours de validation. Et donc, comme on a restreint à un nombre limité d'utilisateurs, on peut utiliser des procédures plus souples de consensus. Et ensuite, voilà, on peut élargir à d'autres membres du réseau la validation de ce consensus. Et il y a quelques crypto-monnaies qui utilisent d'ores et déjà ces preuves d'enjeu à la place de la preuve de travail. Il y a des blockchains comme Tezos, par exemple, qui utilisent ce genre de blockchain. Une crypto-monnaie, une des plus connues, c'est Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie. Voilà, qui utilise pour l'instant la force de travail, donc brute, mais qui a le projet de passer à une preuve d'enjeu, donc moins gourmande en énergie. Un tout dernier mot pour conclure. Est-ce que cette... on a beaucoup, l'année dernière, il y a depuis 2-3 ans, parlé de cette blockchain, de ces crypto-monnaies comme une sorte d'espoir, pas uniquement pour les crypto-monnaies, pour la validation, notamment pour des études scientifiques qui permettraient de valider des résultats. Bref, est-ce que cet espoir-là, aujourd'hui, il est à la hauteur de ce qui a été ouvert il y a quelques années, ou est-ce qu'on est en train justement un peu de se prendre le mur de la réalité, de se dire que la blockchain, finalement, c'est un système qui a lui aussi ses défauts. Alors, en fait, pour des informaticiens comme Georges Gontier, par exemple, oui, c'est effectivement un espoir. Après, on ne va pas remplacer toute la monnaie demain par de la blockchain. C'est, la mise à l'échelle n'est pas possible. Et plutôt que de la blockchain, il faut plutôt parler des blockchains, comme je le disais, qu'il y a différentes preuves possibles pour faire un consensus. Mais effectivement, les utilisations possibles dépassent largement le cadre de la monnaie. Dès qu'il y a de la traçabilité à faire, de la certification, une blockchain peut être utile par le côté infalsifiable, notamment qu'on mentionnait au début. Et donc, oui, il y a des applications. Aussi, il y a toute cette question de éventuellement l'utiliser pour faire des actions de notariat, si on veut. C'est tout ce qu'on appelle les contrats intelligents, les smart contracts. Donc, ça consiste à rajouter une couche de code qui permettrait de sceller des transactions, donc cette fois de biens réels et non plus seulement d'actifs financiers, par l'intermédiaire de la blockchain. Il reste encore du travail pour vraiment l'utiliser tous les jours. Voilà, si vous voulez en savoir plus, c'est dans le numéro de la recherche de ce mois-ci. Puis on va vous remettre le lien de l'émission que nous avions consacrée justement à cette blockchain sur le fil Twitter de l'émission. On arrive à la fin de cette heure. Un dernier tour de table sur des informations scientifiques ou des rendez-vous dont nous n'aurions pas parlé, sur lesquels vous voulez alerter nos auditeurs, oui, Caroline. Je voulais parler du parc zoologique de Vincennes qui vient de recevoir une nouvelle espèce dans la biozone de la Patagonie. Alors, je suis allée la voir, c'est l'Otaria fourrure. Plus petite et plus poilue, franchement intéressante. C'est un titre intéressant, plus petite et bon, pas grave. Florent Couture. L'arrivée de la semaine du cerveau la semaine prochaine, avec beaucoup de choses très intéressantes, des conférences partout en France sur la plasticité cérébrale, sur comment est-ce que le neuromarketing nous arnaque, il y en a partout. Donc il faut aller sur le site de la semaine du cerveau. Moi, j'y serai, je sais pas où j'y serai, mais je vous y attends. On vous met là aussi le lien sur le fil Twitter, @laméthodefc. Sylvain, pour conclure. Oui, je voulais vous signaler la parution du hors-série de la recherche consacrée aux pesticides, aux perturbateurs endocriniens, aux particules fines, voilà. Des molécules qui font beaucoup de débat en ce moment. Et bah là aussi, on vous met le lien sur le fil Twitter. Merci beaucoup à tous les trois en une de Science et Vie ce mois-ci, Caroline. Il est presque vivant, c'est mort, on ne sait pas, on vous en parle. C'est entre les deux. Sylvain Guilbeault à la une de la recherche. L'intelligence, comment la mesurer avec les débats sur le QI notamment. L'intelligence, comment la mesurer, voilà, ça rejoint la... Et Florent Gouttière, santé, science, doit-on tout gober, c'est chez Belin. Peut-être la dernière note ou la prochaine note sur votre blog. La prochaine note sur le blog, ça sera le jeu de l'homéopardie. Vous devrez savoir si les produits que je propose sont des vrais produits homéopathiques ou inventés par mon esprit pervers. Et ben on ira voir ça avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Eve Etienne, Éléonore Pérez, Noémie Naguette-Saint-Villefranc, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Guy Lamège à la technique. Dans les prochains épisodes de la méthode scientifique, lundi, nous parlerons de la peau, de l'épiderme. Mardi, nous parlerons de la sonde Hayabusa, de son incroyable prodige technique. Mercredi, il sera question de la Space Force et de la militarisation de l'espace. Jeudi, on parlera du nombre pi, puisque nous serons le 14 mars, et que le 14 mars, eh bien, à l'envers, ça fait 3-14. Et vendredi, nous serons en direct et en public du salon Livre Paris, auquel vous êtes les bienvenus, auquel vous vous attendez nombreux sur le stand de France Culture. Et nous recevrons l'auteur Dimitri Glukovsky pour parler de science-fiction politique russe. Demain, comme tous les samedis à 16h, c'est toujours la science sur France Culture avec Étienne Klein et la conversation scientifique. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.